Exercice 3, page 119. A. Lui, Louis. B. Louise, Louise. C. Muette, mouette. D. Nuée, nouée. E. Quiz, quiz. F. Enfuir, enfouir.